Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, le dernier succès du créateur des Choristes. Dans un faubourg populaire au nord de Paris en 1936, l'élection printanière du gouvernement du Front Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que trois ouvriers du spectacle au chômage décident d'occuper de force le music hall qui les employait il y a quelques mois encore. Les résultats de ce 3 mai 1936 sont sans appel. Le Front Populaire triomphe. Avec des chansons, de la magie, du rire, des jolies femmes. Entrez vite, ça va commencer. Le chansonnier est à moi. Fin du spectacle, tout le monde au chômage. Votre fils se livre à la mendicité, n'est plus capable d'élever cet enfant. Tant que vous n'aurez pas retrouvé une situation stable, vous ne pourrez pas récupérer votre fils, monsieur Pigoual. On occupe. Vous pensez pas monter un spectacle chez moi? On vous paiera un loyer. Suivant. C'est la jeune fille envoyée par monsieur Galapia. Est-ce que vous pourriez nous montrer vos jambes, s'il vous plaît? On vous engage. Je sais pourquoi vous jouez dur avec moi. Parce que je vous plais. Ah oui? Vous me plaisez? Et ça, vous pouvez pas le supporter. Il y en a qui rêvent du Père Lachaise avec un marbre des lettres d'or. Et pour faire bien dans le décor, deux anges qui se disent des fadaises. Faubourg 36, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Cad Merad, un DVD, Fox Pathé repas.